franceinter.fr. Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui Albert Londres, L'envers du bagne, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Manuel Calma, réalisée par Benjamin Habitant. Parti de Vichy où il est né pour Lyon, puis Paris, Albert Londres voulait être poète, figurez-vous. Il le restera toute sa vie, à sa manière. Il commence comme chroniqueur au Palais Bourbon, puis, contacté par le Petit Journal, il part comme reporter dans les Dardanelles en 1915 et ne cessera dès lors de parcourir le monde, les mondes, ceux des bagnes, des asiles, des cyclistes forçats de la route, dénonçant les barbaries et tortures, les terres oubliées et ensanglantées. En 1923, il signe l'un de ses plus grands reportages, au bagne. Le récit qu'il y fait des conditions de vie met la lumière sur le traitement inhumain des hommes envoyés à Cayenne auprès desquels il a passé plusieurs mois. Ce reportage fera grand bruit, mais il faudra pourtant attendre 1937 pour qu'un décret vienne définitivement supprimer ces lieux de misère et, disons-le, de torture. Ce grand reporter devient aussi redresseur de tort quand il commence à dénoncer ce qui le scandalise et c'est là qu'il préconise de porter la plume dans la plaie et de rejuger la chose jugée. Albert Londres jette les bases du journalisme moderne. Il meurt le 16 mai 1932 dans l'incendie du Georges Philippard, le bateau qui le ramenait de Chine, où il était parti pour une enquête ou une mission dont l'objet restera jamais mystérieux. Pour nous parler d'Albert Londres, de l'homme et de son travail de grand reporter, nous recevons aujourd'hui Hervé Brusigny, ex-grand reporter, qui dirige aujourd'hui FranceTV.info, le site d'information du groupe France Télévisions. Il a publié en 2011 le livre intitulé « Copie conforme, pourquoi les médias disent tous la même chose » aux éditions du Seuil. Il a dirigé le service des informations générales de l'ancienne Antenne 2, devenue France 2. Il était aussi directeur délégué à l'information de France 3 entre 2004 et 2008. Hervé Brusigny est coloréat avec Dominique Thiers en 1991 du prix Albert Londres, précisément dans la catégorie « Grand reporter de l'audiovisuel » pour un reportage sur l'affaire Farwell, diffusé sur France 2. Enfin, il a présenté de 2007 à 2008 et a été rédacteur en chef de l'émission d'investigation « Pièce à conviction » sur France 3. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Albert Londres, L'envers du bagne, de Manuel Calma. Réalisation, Benjamin Habitant. Cargaison d'infortunés. On va garder au chaud à la prison de Port d'Espagne. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Vous là? Vous? Oui. Ouais. Là, vous êtes trompé de pont là, vous n'avez rien à faire ici. Eh, les honnêtes gens, c'est pas par ici parler. Circuler, y'a rien à voir. Que du malheur à des bons hommes à la schlag. Oui, mais pardon. Bonjour, vous êtes le surveillant général, n'est-ce pas? Assurément, garde-chourme en chef pour vous servir. Vous êtes qui d'abord? Oui, pardon, j'aurais dû commencer par là. Je suis Albert Londres, en reportage pour le quotidien Le Petit Parisien. Ah, c'est vous le reporter? J'ai entendu dire qu'un journaliste faisait la traversée sur notre bon vieux Biskra. Vous venez visiter nos bagnes comme ça? C'est vous qui vous y collez? C'est ce qu'on appelle chez nous à la corvée, quoi. Détrompez-vous, chef. Je suis volontaire, comme on dit chez moi. Ah, vous allez pas être déçu, hein. Trinidad, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Spécialité de nos amis british qui nous rendent nos bagnards sans crier gare. Sans même des pinces et des chaînes au cas où la brochette de fuyard voudrait prendre la tangente. On va improviser avec les moyens du bord. Hein, les gars? Retour à la case départ, hein? Ils sont dans un drôle d'état, quand même. Les araignées crabes, ça bouffe la chair, c'est bien connu. Qu'est-ce qu'ils sont allés se foutre dans cette galère, hein? À vrai dire, c'est la même rengaine à chaque fois, hein? Ils remettent le couvert. Ils se font la malle, on leur court après, on les repêche ici à Trinidad, ils écopent d'une nouvelle condamnation. Et c'est reparti pour un tour. Et je vois pas en quoi ça vous dérange, chef. C'est pas vous qu'on va remettre sous les verrous dans des trous puants au bout du trou du cul du monde. Et encore, je rajoute du monde pour être poli. Hé, hey, œil pour œil, mon gars. Toi, la grande gueule. Et toi, la colite. Oui, toi, là. T'arrives de réfléchir à ce que tu fais quand tu tailles la route avec ton collègue. Hein, t'aurais mieux fait d'y penser à ta daronne avant de te tatouer ça sur le torse. Hein, j'ai pensé à ma mère qui s'inscrit sur le poitrail. Mais c'est que de la gueule, ça. Les conneries que tu payes ici, t'y as pensé à ta mère? Bon, les gars, je vous préviens, hein. Plus vous vous tenez à carreau et moins vous écoperez de cachot en sus. Alors à vous de voir. Moi, je compte les points. Et une fois arrivé aux îles du Salut, je vous présente la douloureuse. Laisse Nex partir, Mise. T'as pas idée. On s'évadera autant de fois qu'on sera repris. Et qu'est-ce qu'on a à perdre, hein, pardi? Et qu'est-ce que monsieur le reporter peut bien trouver d'intéressant à raconter sur nous? Je me contenterai d'une réalité. La vôtre. Notre réalité, dites-vous? Oui. Juste votre quotidien, c'est déjà beaucoup. Et vous croyez qu'ils vont vous autoriser à nous observer au jour le jour, sans parler des nuits? Chez nous, tous les chats sont pas gris. Oh, ça non. Je dis ça, je dis rien. Et qu'est-ce que vous vous attendez à voir de ce côté de la France? Le Rocher Noir, la Grande Terre, la Royale, ça vous dit quelque chose? Pas grand-chose, je l'avoue. Ici, mon bon monsieur, c'est le pays de la boue et des racines, d'où remontent toutes les épidémies que Dieu s'est amusé à inventer. Vous voyez que vous en avez des choses à me faire découvrir. Assurément, monsieur Londres, assurément. Ici, on en casse des mythes, encore plus que des cailloux, et ça s'effondre par pans entiers. On a tous des sacrées histoires à vous raconter. Et ça risque de vous piquer les yeux. On en reparlera dans quelques semaines, si je me suis pas fait la malle entre-temps. Je suis un inco, ouais. Un incorrigible, quoi. Un condamné à m'évader par-dessus le marché. Et on va figurer où dans votre feuille de chou? À la rubrique des faits divers, je parie, hein? En une, vous voulez dire? Deux colonnes sur six, en août et septembre prochain. Pour une fois qu'un Pékin s'intéresse à nous, on va pas faire les fines bouches, hein, les gars. Racontez-moi, où est-ce que vous vous êtes fait rattraper? À Cayenne, sur le Maroni? Et ici, pardi, à Trinidad. Avant, on crêchait chez les Hollandais depuis un lustre déjà. On a travaillé 18 mois là-bas. Les Bataves, tant qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ferment les yeux. Ils viennent même en tapouille nous chercher. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les rafieux dans le coin. Mais quand il n'y a plus de boulot, ils vous renvoient d'où vous venez. Et c'est généralement Saint-Laurent au bout du voyage. Autant dire la case départ. À moins d'une veine de cocu et que les vents vous soient favorables. Mais ça... Ça n'a pas été le cas. La mer était mauvaise, comme à l'accoutumée. Tempête? Oh, sacré grain, ouais. Mais pas que. Le vent et les courants nous ont jetés dans les mauvais filets. La police a fondu sur nous. Et à 3 dollars de récompense par prise, pardi, on pèse pas grand-chose. Fin de l'échappée belle. Adieu, Caracas. À bas Trinidad! Vous y avez cru cette fois-ci, hein? Alors, on y croit toujours. Sinon, on resterait le cul vissé sur la paillasse. Mais demain est un autre jour. Les cassés du bagne, ils dorment dans des bidons d'huile de foie de morue au milieu des poissons crevés. Et on les retrouve un beau matin le bide en l'air. Alors que les âmes fortes n'abandonnent jamais la partie. Allez, les gars, on remet le couvert, hein? Et pour moi, je vais écoper de 6 mois de plus. Comparé à l'éternité, le jeu en valait la chandelle, avouez. Allez, cap sur l'île Saint-Joseph! Après 21 jours de route vers la Guyane et 7 escales à Trinidad, Albert Londres découvre Cayenne, capitale du bagne qu'il qualifie lui-même de désagrégeante. L'atmosphère est étouffante, organique. Entre moiteur et puanteur, violence et agonie, les urubus, sortes de corbeaux colossaux, tournoient tels des charognards en s'attaquant aux ordures, fruits pourris et autres déchets sur le bord des routes. L'asphyxie est palpable. Le sang des forçats sans salut semble se mêler à la terre et sécher aussi vite que les larmes des enfants terribles condamnés à perpétuité à l'enfer de la récidive. À ciel ouvert et sans limite, le désespoir déborde et les prières, chuchotées en grande ferveur, résonnent aux oreilles plus ou moins hospitalières. En quittant la métropole, Albert Londres pénètre dans un univers âpre où le geste contredit la morale et le mot s'inscrit dans la peau. Le mot, justement, est au centre de toutes ses préoccupations. Dire au plus juste ce qu'il voit et ce qu'il ressent, relayer l'infâme et dénoncer l'inhumain. Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie, martèlera-t-il sans relâche. Toujours ce même souci de rapporter sans travestir, de retranscrire en ayant au préalable dompté ses émotions. Et surtout, ne rien oublier, tout dire. Je n'avais jamais vu une telle concentration de tatouages au centimètre carré. Ah, ça oui. On appelle ça la littérature de tatoués. Vous avez tous leurs pédigrés inscrits à l'état brut et sans ponctuation. et feuilletonnez, s'il vous plaît. De l'album de famille aux insultes, au nom de ceux qu'ils ont envoyés en enfer avant de remboîter le pas. Ah, ce sont de beaux spécimens que vous allez rencontrer. Je vous ouvre les grilles, monsieur, mais pas de bile, hein, je reste dans les parages. On n'y lâche pas d'une semelle, vous savez. Enfant de misère, vaincu non dompté, ni Dieu ni maître, des déclarations d'amour ou de guerre. Ah, c'est obscène. Vous trouvez ? Fascinant. Pas obscène. Tout bonnement fascinant. En somme, ils étalent ce qu'ils ont au fond des tripes. Pas de filtre, pas de costume. C'est le reflet de leur âme qui remonte en surface en quelque sorte. Une peau immaculée sur laquelle ils racontent leur descente, leurs âmes cabossées. Des âmes damnées, oui. On n'est plus là pour les remettre sur le droit chemin. On se contente juste de prévenir le pire, sans garantie d'y parvenir. Et que peut-il se passer de pire pour eux que de vivre écroués ? Bah, je sais pas, moi. Finir éventré, les tripes à l'air. Et ça arrive souvent ? Ah, tous les jours, assurément. Quelle misère. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces cages ? À partir de 5 heures du soir, extinction des feux jusqu'à 5 heures du matin, fouille générale. Mais à l'aube, on sait pourtant qu'on n'est pas à l'abri de quelques surprises, et parfois de taille. Qu'entendez-vous par surprise de taille ? Des surprises à la taille de l'entaille d'un couteau, enfoncées de bas en haut dans le gras du ventre, quand il y en a sous la peau du gras pardi. L'enfer est ici. Je vous présente Espel, dit le chacal. Langage fleuri garanti. Enchanté, monsieur Espel. Mon nom est Albert Londres. Je travaille pour le Petit Parisien et je suis ici pour raconter ce que vous vivez sur le camp de Cayenne. Je vous écoute, si vous le voulez bien. Si je vous gêne, Espel, je sors. Dieu lui-même n'a jamais gêné Espel, chef. Vous savez donc que vous pouvez parler en toute liberté. Liberté ? Vous avez de l'humour, chef, ça on peut pas vous l'enlever. Pourquoi sur votre porte est-il précisé « à surveiller étroitement » ? Vous bénéficiez d'un régime particulier ? Oui. Sachez d'abord que je suis particulier. Je n'en doute pas une seconde, mais dites-moi en quoi précisément ? On m'a transféré du Rocher Noir, je viens de l'île du Diable. Oui, c'est de là même où on a crêché Dreyfus. Mes compagnons d'infortune sont les requins et les gros moustiques qui vous sucent le sang. Mais je suis avant tout le bourreau du bagne, et j'occupe donc une place à part. J'en ai des choses à raconter sur les derniers instants d'une tripotée de garçons. Pour moi, ils ont tous un nom, pas seulement un matricule. Leurs existences flottent sur les routes marécageuses, dans ces îles perdues au beau milieu de nulle part. Notre tête de bourreau, de transporté, de relégué ne vaut pas grand-chose aux yeux de ceux qui nous ont condamnés. On nous garde ici à jamais dans ces trois haras. Et pour ceux qui tiennent le coup, on les empêche de revenir en métropole. Faudrait pas que des mauvais garçons comme nous peuplent nos vertes contrées. Une fois la peine purgée, on nous recase à Saint-Jean-du-Maroni, par exemple. Et là, vous êtes considéré comme la crème la plus épaisse des fripouillards de France. Ça ne me dit pas pourquoi vous êtes considéré comme dangereux. Dangereux pour qui ? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Chacal a l'art d'enjoliver les choses. Hein, vous ne dites pas pourquoi vous êtes ici ? La faute à qui ? Vous êtes à Cayenne en attente de jugement. Eh oui, un de plus, oui. Hein ? Parce que vous les collectionnez, les affaires. Les tentatives d'assassinat et les outrages, en veux-tu, en voilà. Il parle pour moi. Oui, oui, alors oui, m'en vache. Sauf qui peut, succombe qui doit. C'est vrai, je manque pas de vocabulaire, voyez-vous ça ? Et particulièrement lorsque je suis en colère. Rappelez-moi votre nom, monsieur. Ça a à voir avec une capitale, c'est ça, non ? Oui, Londres. Albert Londres. Alors, je vais être tout à fait complet, monsieur Londres. Notez bien mon pédigré dans votre petit carnet. Je suis Espel Isidore, dit Chacal, ancien camisard. 20 ans de bagne à mon compteur, pour avoir lancé un bouton de pantalon à la tête d'un colonel en Afrique. Ancien bourreau des îles du Salut. Un peu de sérieux, Chacal. Vous oubliez de dire l'essentiel, hein ? Vous n'êtes pas là pour des broutilles. Et si bien ! Et je suis pas du genre à faire l'anguille, ça, chef, vous le savez, c'est pas le genre de la maison. Oui, monsieur, je vais remettre le couvert aux assises, pour tentative d'assassinat, sur la personne de Lanoé, qui, soit dit en passant, a voulu m'empoisonner, et au préalable a tué sa propre mère. Belle personne, n'est-ce pas ? Voilà, voilà. Bienvenue dans mon antre. C'est aussi coquet qu'une de ces boîtes en sapin qu'on met dans le trou. Depuis 7 mois, je vis là, dans ce cloaque. Ah oui, chef, on peut pas appeler ça autrement, vous en conviendrez. Ah oui. Monsieur s'attendait à un de ces palaces sous les cocotiers. Avouez qu'on est loin de ça. En fermant les yeux, on se sentirait presque dans un cercueil. Un cercueil. Vous avez le compas dans l'œil, monsieur le reporter. Notre espace vital n'est pas plus grand qu'un cercueil. Ici, c'est l'antichambre des bambous. Du cimetière, quoi. On affiche la couleur. Racontez-moi la vie ici. Soyez franc. Vous l'avez eu, la chair de poule, hein, quand vous êtes arrivé dans les couloirs. C'est lugubre par ici, quoi, y a pas à dire. Hein. Vous entendez les clés dans les serrures? Ça s'arrête jamais, hein. Les portes s'ouvrent et se referment, elles claquent lourdement, comme une plainte incessante. C'est obsédant. Voilà le seul bruit qui nous vient de l'extérieur, celui des porte-clés. Avec celui du chant des condamnés. Quand un transporté doit être exécuté, vous entendez s'élever un chant, la nuit juste avant l'exécution. Seuls les forçats connaissent les paroles. Ce sont les voisins de cellule qui préparent le camarade à sa fin prochaine. Ils le préviennent. Ils cherchent à le réconforter, à lui dire qu'il n'est pas seul, qu'on pense à lui. Une parcelle d'humanité, quoi. Ouais, ouais, chez nous, ça existe. Ça se niche là où on s'y attend le moins, parfois. On n'est pas que des pieds de biche, pas que des assassins de grand chemin. On est capable du meilleur comme du pire. Ça, ouais, faut pas le nier. Finalement, la mort est toujours au bout du chemin. L'important, c'est de la voir venir et d'accomplir ses dernières volontés avant de tirer sa révérence. Et c'est quoi vos dernières volontés, Espel? Qu'attendez-vous désormais? Je ne vois rien venir, comme disait Seran, monsieur, si ce n'est de la misère et encore de la misère. Inhumain tout de même, ce système de transporter, de reléguer, de travail obligatoire. Je ne vois que de la perpétuité dans tout ça. Ah oui? À partir du moment où vous mettez un pied ici, la perpétuité vous lâche plus. Et puis on va pas s'emmerder à faire le tri. Crime de sang ou menu larcin, tout le monde dans le même sac. Allez, hop, les minots avec les vieux briscards, ben voyons. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à ignorer tout ça. Les jurés sont à 1000 lieues de penser que lorsqu'ils condamnent un homme au bagne, la peine est automatiquement doublée et que la machine infernale va s'emballer. Une double peine systématique, si les gens savaient. Parfaitement. Moins de 8 ans, on est assigné à Cayenne pour la même durée. Plus de 8 ans, on ne regagnera jamais, au grand jamais, la métropole, c'est assuré. Le meilleur moyen de se débarrasser d'un enfant terrible, c'est de faire en sorte qu'il reste terrible toute son existence. C'est ça l'histoire. Oui, monsieur le reporter, c'est un peu ça. Le doublage, une résidence perpétuelle. En somme, un autre bagne commence la libération. Quel horizon, quelle perspective. On ne vous donne même pas une chance d'apporter quoi que ce soit de bon à la colonie. En effet, vous n'êtes pas au bout du voyage, ni au bout de l'enfer. Adieu, monsieur le reporter. Je compte sur vous pour ne rien oublier de ce que je viens de vous dire. Car quand votre article sortira, je serai sans doute plus là pour constater votre degré de loyauté. Vous avez ma parole, Espel. Je rapporterai tout de mes impressions. Comment changer tout ça? Si ce n'est commencer par le dénoncer, en frappant fort avec des mots justes. Allez, au suivant. Au fil de ses visites, Albert Londres recueille des témoignages poignants. Comme sur cette île Saint-Louis qui abrite une poignée de bagnards mangés par la lèpre, dans un dénuement total, sans surveillance et sans contact avec l'extérieur, si ce ne sont les infirmiers, malades, eux aussi. De temps à autre, un pasteur ou un prêtre vient soulager ces âmes spectrales. Mouroir à ciel ouvert, sans lendemain qui chante. Tous les 2 jours, une barque dépose des vivres, du riz, du pain et de maigres morceaux de viande lancés sur le rivage et récupérés au vol par des silhouettes faméliques. Pour certains, la peau est devenue écaille, plus de pommettes, un nez sans arête, dont 2 trous situent l'emplacement d'origine. Des pâles photos de femmes épinglées sur les murs ont remplacé les miroirs, baume au cœur dérisoire d'un paradis fantasmé. Des voiles blancs dissimulent les membres mutilés, les yeux ne sont plus que 2 pétales fanés. Des êtres pacifiés, des ombres oubliées au milieu de nulle part. Il y a autant de bagnes qu'il y a de bagnards, constate Albert Londres. L'implacable silence et l'absence d'horizon renforcent l'impression de damnation à perpétuité. On ne revient pas indemne des îles du Salut, ni même de la Grande Terre. Qu'ils soient transportés, déportés, relégués ou en période de doublage, ces âmes perdues transforment peu à peu l'image que le reporter se faisait confusément de la justice française. C'est la loi, mais la loi s'est trompée, ose-t-il affirmer, de retour de cet enfer. En un mois, il a remonté le Maroni et croisé ses pénitents immatriculés, échoués sur les rives, piégés dans la jungle venimeuse, finissant entassés dans les cages, ou isolés sur des rochers. D'ici, l'horizon se dégage un peu, mais s'évader de ce caillou reste mission impossible. Vous n'avez pas chômé aujourd'hui, dites-moi. 42 forçats vous ont déballé leur malheur sur cette île royale qui porte bien son nom. On peut dire que vous les aurez pratiqués. Et au fond, faut avouer que ce sont pas tous des mauvais garçons, en tout cas pas au début. Hein. Surtout les minots. Après, ça se corse. Ça va aller, monsieur ? Oui. Un peu fatigué, je l'avoue. Tous ces hommes, parfois si lucides sur leur sort, ces histoires sont si fortes. Sans compter que je vais devoir en choisir une plutôt qu'une autre. Comment rester fidèle ? Ne pas trahir ? Trouver les mots justes ? Ouh. Ah ! Justement, voilà le clou de la journée. Entrez, monsieur. Vous avez quelque chose à me dire ? Vous êtes ? 27307, c'est mon matricule. Marchera, c'est mon nom. Infirmier des îles du Salut, c'est ma fonction. Le reste n'est que littérature. Oui, je vous attendais, Marchera. Vous êtes le dernier. Pas le dernier arrivé, pour sûr. Je suis un vieux cheval, vous savez. On en est à 47 000 blancs-becs au compteur de la Tancière. Vous êtes le dernier de tous ceux qui se sont portés volontaires pour venir témoigner sur leur vie au bagne. Si on peut appeler ça une vie. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous en voulez une ? Pas de refus. Vous êtes là depuis longtemps ? 28 ans de travaux forcés. Ça passe vite et lentement en même temps. Surtout que vous n'avez pas chômé. Ah non. Promenade forcée lors de mes brèves et salutaires escapades. États-Unis, Guatemala, Honduras, San Salvador, Costa Rica. Vous êtes un aventurier ? Un homme curieux de tout. J'aime comparer ce qui est comparable. Dans tous les pays que je viens de vous citer, les prisonniers ont le droit de se relever. Vous avez vu du pays en vous évadant ? Oui. Et j'ai adoré ces parenthèses de liberté. Là-bas, on vous donne les moyens de vous racheter. Ici, on paye à vie, jusqu'au dernier souffle. Vous voyez votre fin sur cette île ? Pourquoi pas la Royale ? Oui. Ou alors je finirai dans le ventre d'un de ces requins qui font des ronds dans l'eau, en attendant que l'un d'entre nous ait envie de tâter du grand bleu. Mais d'après vous, un aventurier qui connaît sa dernière demeure est-il un aventurier ? J'ai goûté l'aventure comme personne. Je me suis évadé 3 fois, oui. 3 fois, j'ai traîné mes guêtres dans des lieux improbables. Après avoir porté les fers en guise de châtiment, je m'occupe des autres dorénavant. L'hôpital me prend tout mon temps, et ça me va bien comme ça. Une expiation ? Appelez ça comme vous voulez, peu importe. Je porte mes crimes en moi, c'est tout. J'ai payé, pour sûr. Au prorata, ça, qui peut l'affirmer. Ce que je sais, c'est qu'il m'arrive parfois d'être tenté d'abréger mon temps sur cette terre. La tentation est grande. À l'infirmerie, tous les genres de morts sont à ma portée, sur une étagère, en rang d'oignon. Il suffit de plonger la main dans un de ces bocaux. Je ne sais si c'est un manque de courage ou une lueur d'espoir qui me retient. Une autre mort que celle-ci, ou la grâce inattendue. Un autre bout d'existence qui ferait pâlir de jalousie la première. J'étais un minot en débarquant sur les rives de Guyane, et tel que vous me voyez, j'ai fêté mes 46 ans et je n'ai connu que misère. J'attends rien de la Tancière, non. Même si mon sort est suspendu à leur bon vouloir. Elle a le pouvoir d'abréger ma peine si elle daigne reconnaître la rédemption qui fut mienne. Ben, expiation, dette, souffrance et abnégation n'ont pas le même sens par-dessus les murs et sous les verrous. Vivre, aimer, souffrir, mourir, c'est le lot de nous tous, vous en conviendrez, monsieur le reporter. Assurément, mais plus ou moins intensément. Ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'au bagne, on crève lentement, mais sûrement. Sans que notre sort émeuve la communauté des honnêtes gens. Or, la vie. Oui, tous ces hommes attendent la délivrance. Voilà un mois que je regarde le spectacle de cet enfer. Je sens que ce sont eux qui vont me regarder. À moi de jouer. Être à la hauteur, voilà ce qui m'obsède désormais. La mission que je m'étais fixée était de descendre dans les fosses, là où la société se débarrasse de ce qui la menace, ou bien de ce qu'elle ne peut plus nourrir. Regarder ce que personne ne veut plus regarder. Juger la chose jugée. Notre métier de reporter n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est juste de porter la plume dans la plaie. Le doute, c'est ce qui justement s'est invité tout au long de cette enquête au long cours. La réalité que découvre Albert Londres sur les rives du Nouveau Monde et de ses alentours l'ébranle et le scandalise. Comment dénoncer une injustice née de l'immanence de nos lois ? L'absence de hiérarchie entre des condamnés de droit commun et des voleurs à la petite semaine fût-ils récidivistes ? Le mélange des genres, sans distinction. Pas d'oie blanche, certes, mais parfois des mauvais bougres abonnés à la malchance. À son retour en France, le reporter apprendra que Marchora s'est finalement évadé de la Royale. Dans une lettre qui lui sera adressée, l'infirmier Bagnard lui expliquera que l'administration l'a gracié en raison de ses bons et loyaux services et de sa bonne conduite pendant 13 ans. Mais qu'étant condamné à perpétuité, sa peine était commuée en 20 ans de travaux forcés. Marchora n'a eu qu'une solution, s'évader pour recouvrer sa liberté. Faire payer deux fois la même dette à des êtres fussent-ils coupables, voilà ce qu'Albert Londres va dénoncer avec force. De même qu'anéantir toute possibilité de reconstruction pour les condamnés, une fois leur peine purgée. Ôter tous les droits à un homme, fut-il le plus odieux des criminels, explique-t-il à son retour dans une lettre à monsieur le ministre des colonies, monsieur Daladier, dans les premiers jours de septembre 1924. Suite aux articles parus dans le Petit Parisien et à la prise de conscience de l'opinion publique, la réforme des bagnes coloniaux se met en marche. Il faudra attendre 1938 pour que cessent les transportations de prisonniers et 1953 pour que les derniers condamnés à perpétuité soient libérés. C'était Albert Londres, l'envers du bagne, de Manuel Calma. Avec Albert Londres, Bernard Gabet, le surveillant Jean-Yves Berthelot, Tintin Stéphane Varupen, Espel Vincent Schmitt, Marchera Pierre-Yves Desmonceaux, et les voix de Jean-Luc Guillotin, Maher Kamoun, Marc-Henri Lamonde, Michel Baladi. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Johan Richard Dufour et Cécile Braque. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Plancher et Lee Torquia. Réalisation, Benjamin Habitant. Sprung from cages on Highway 9. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Albert Londres, l'envers du bagne, notre invité Hervé Brusini, grand reporter. Bonjour monsieur le journaliste au CV long comme le bras, monsieur Brusini. Bonjour monsieur qui me fait rougir. Bon, dites-moi, je me suis fait une coupure sur la main, vous serez gentil de ne pas porter votre plume dans ma plaie, ça fait mal. Et c'est justement parce que Albert Londres, et j'en veux pour preuve le bagne, est allé porter cette plume dans cette plaie que ça a fait mal. Est-ce que de ce point de vue, pour vous, il est la matrice du journalisme moderne, du journalisme d'aujourd'hui, avec toutes ces résonances? Oui, totalement. Je pense même que des jeunes comme ceux d'un site qui s'appelle Vice News font du grand reportage, portent la plume dans la plaie. Je pense qu'ils sont les héritiers d'Albert Londres, dont ils ignorent peut-être l'existence. Je ne veux pas leur faire de procès idiot. Mais je crois qu'effectivement, il y a une résurgence contemporaine d'Albert Londres. Albert Londres, c'est un personnage effréné. Vous avez vu qu'il voulait créer un mouvement qui était l'effrénisme. Et donc, je pense que ce journalisme effréné, passionnel, que nous pouvons vivre aujourd'hui, qui veut faire bouger les lignes, qui est un journalisme plongé dans la crise, lui-même en crise, et quelque chose qui résonne intensément avec le personnage d'Albert, qui est un insatisfait permanent. Albert, c'est le type qui dit « le but, c'est pas le plus important, c'est d'y aller qui est le plus important ». Eh bien, je pense qu'il y a là toute la philosophie de sa vie. Vous l'avez dit, c'est un poète. C'est un poète effréné. Je pense que dans le journalisme, contrairement à ceux qui voudraient que le journalisme soit une machine presque de science exacte, ce qui me plaît, c'est chez Albert la dimension profondément humaine. Même parfois injuste, il se gourre, il peut dire des bêtises, mais il existe intensément, il raconte, il est dans du récit, il est dans de la narration, et en ce sens, il renoue avec un élément fondamental de l'humanité, C'est du grand récit humain que fait Albert. Comme Hérodote pouvait le faire au Thucydide, vous voyez. Il fait partie de ces gens-là, dont vous faites partie, Fabrice. Ah bah écoutez, enchanté, ravi, ravi que vous disiez ça. Et vous avez dit quelque chose d'important. Vous dites, pour lui, l'important, c'était d'y aller. Et oui. Vous avez vu tous les débats autour de nos confrères pris en otage, par exemple, en Afghanistan, en Irak, et ceux mal inspirés qui ont dit... Faut pas y aller, c'est de la provocation, on prend des risques. Si, faut y aller, faut aller éclairer les zones d'ombre. Ça aussi, c'est la philosophie d'Albert Londres. Oui, c'est essentiel d'être présent. Oui. Alors, en même temps, faut pas se gargariser. Nous ne sommes pas des héros. On essaie simplement de faire le métier, d'aller y voir et de raconter. Mais le phénomène nouveau, c'est qu'il y a des Albert Londres maintenant un peu partout. C'est-à-dire que ce journalisme-là est un journalisme aujourd'hui triomphant, qu'on le veuille ou non. Et dans la rue, il y a des gens qui peuvent devenir à un certain moment, pour quelques minutes, quelques secondes, l'Albert Londres de la situation. Mmh. Et donc moi, je crois beaucoup à ce nouvel échange d'une parité de reportage, d'une parité de journalisme, d'une parité de rendre compte de la force du témoignage. Le type qui a filmé tel ou tel flic aux États-Unis qui se comporte de manière ignoble ou tout autre spectacle de ce genre apporte une contribution fondamentale et va faire bouger les lignes. Et il le sait et il va parler derrière. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas être un saint et penser que tout ça est merveilleux. Non, ça crée une vaste entropie et pour être plus vulgaire, un vaste bordel. Mais l'information, ça a quelque chose de l'ordre du bordel. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut dire aussi que ça apporte donc, par-delà le bordel, l'entropie, ça apporte du débat. Le reportage est un élément qui nourrit la démocratie. Et c'est en ce sens qu'Albert Londres est un personnage fondamental. Il ne faut pas l'ériger en tant que héros intouchable. Albert Londres, ça peut être un égocentrique, quelqu'un qui ne déteste pas l'argent, qui aime beaucoup les belles tenues, qui arbore une valise dont il aime le cuir, il aime la belle cravate, la lavalière... Mais justement, il est humain. Et je trouve que cette fragilité d'Albert, qui a eu des coups de mou, il a eu des moments de défaillance, et puis il est reparti. Il a un amour fou pour sa fille, mais il la voit pas beaucoup. Il est bourré de contradictions, cet homme-là. Mais justement, il nous ressemble. Mmh. Et ça, c'est formidable. Donc, il n'y a pas un dieu vivant du reportage. Mais il y a là une fonction sociale. Enfin, il y a des fricheurs quand même, c'est un sacré défricheur. Et qui nous renvoie à un autre débat aussi. Regardez au Rwanda. Les Rwandais avaient verrouillé, les Hutus avaient verrouillé la capitale, Kigali, pour pouvoir faire leurs exactions. Parce qu'il n'y avait pas de journalistes pour témoigner. Avec s'il une radio d'ailleurs. Avec une radio, absolument. Radio Mille Collines. Oui. S'il y avait eu tout un tas de journalistes. Oui. On va pas refaire l'histoire. Oui. Mais ça aurait été probablement beaucoup plus difficile de faire ce génocide. Évidemment. Vous savez, c'est Godard qui dit, sans jouer les pédants, l'image apporte de la paix. Oui. Donc je pense que la paix se trouve juste à côté du bordel. Parce que l'image provoque effectivement ce désordre. Elle vient casser les vérités officielles. Et en ce sens, elle est salutaire. Mais vous avez parfaitement raison. On se rend compte que dès que l'image est présente... Pour autant, elle peut apporter la paix, mais pour autant, il faut l'interroger. Il faut la soumettre à la question. Il faut connaître ses conditions de production. Donc, l'image n'est pas une vérité en soi révélée. L'image est quelque chose qui est à questionner. Par exemple, l'image que produisent aujourd'hui les groupes terroristes comme Daesh, l'État islamique. Il faut contre-enquêter sur ce qu'il y a derrière l'image produite par l'État islamique. Et c'est pour ça que on peut être en grand respect par rapport à tous nos confrères qui risquent leur vie là-dessus. Ce ne sont pas des matamores. Ce ne sont pas des types qui jouent au roule-tabille de 4 semaines pour aller là-bas en Syrie. Non. Ils remplissent une fonction politique de premier ordre. Nos confrères du Monde, qui ont rapporté des témoignages cruciaux sur l'utilisation des bidons chimiques par le président syrien. Mmh. Mais c'est une chose fondamentale. Elle n'a pas fait bouger les lignes, mais elle est là dans l'histoire. Elle les fera peut-être bouger d'ailleurs. Aujourd'hui, non, mais... Certes, parce que c'est une archive qui peut servir au jugement des hommes. Revenons à Albert Londres, qu'on n'a pas quitté d'ailleurs. Ça fait, en parlant des reporters d'aujourd'hui, on parle aussi de lui. C'était quoi l'étincelle pour lui? Est-ce qu'il y a eu un fait précis qui a fait qu'il s'est dit, voilà, j'ai cette vocation-là? Alors, je pense que la première étincelle, c'est un amour pour un grand poète qui s'appelle François Copé, qui n'a rien à voir avec... J'imagine, avec l'autre. Voilà. C'est un poète qui se penche avec énormément de compassion sur le drame social, la pauvreté, et qui lui parle énormément. Albert Londres, il lui vaut un culte incroyable. Il y aura une rencontre extrêmement émouvante. Bon, ça c'est l'étincelle de l'écriture. Albert est sans arrêt en train d'écrire des vers. Sa mère d'ailleurs, à un certain moment, est convoquée par un prof qui lui dit « Mais il écrit trop de vers, votre fils, c'est pas possible. » Donc, il est travaillé par l'écriture. Et puis après, il est travaillé, oui, par le mouvement, par le fait d'y aller. Parce que c'est un écotier parlementaire au début. Oui. Et puis, il se rend compte très vite qu'à cette époque... est en train de naître quelque chose qui vient des États-Unis, qui vient des femmes, un machin qui s'appelle les Muckrakers. Les Muckrakers, c'est le mouvement des fouilles-merdes. Hein, c'est formidable quand même. Le Mackler's Magazine, c'est le premier... magazine de grands reportages avec une femme, par exemple, qui s'appelle Ida Tarbell, qui va faire des choses absolument géniales par rapport à Rockefeller pour dénoncer la surexploitation des femmes, des enfants. Les fous seront aussi, un des sujets de prédilection de la production du Mackler's Magazine. Et ces gens-là, ce mouvement-là, arrive en France et il y a l'importation du grand reportage à l'américaine. Et au début, les Français sont réticents parce qu'ils disent « Oh, les Américains, ils ne font que prendre des notes, ils sont là avec une religion des faits. » Vous voyez déjà, alors que nous voulons un peu d'esthétique, un peu de littérature. C'est vrai, la presse française est à l'époque dans un mouvement profondément littéraire. Elle fait beaucoup de récits de faits divers, mais elle ne sait pas ce qu'est la logique du grand reportage avec sa description, et en particulier l'héritage d'Hérodote. J'y reviens parce que je pense que c'est fondamental. Et alors Albert est séduit par ça. Et donc, quand il va pouvoir aller par défaut, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre pour aller à Reims et faire la première description de la cathédrale qui vient d'être bombardée, qui brûle. Mais oui. Le récit est hallucinant de modernité. Il est fantastique. Et parce qu'il dit ce qu'il voit, c'est ça que j'aurais dit. Il dit ce qu'il voit, mais avec un style, avec une rythmique, une économie de la longueur des phrases. Et c'est pour ça que j'arrête tout de suite, parce que je sais que je vais faire trop long. Mais c'est un modèle. Vous pourriez lire ce soir au journal télévisé un commentaire d'Albert Londres, et c'est le silence général dans tous les foyers. Chiche. En tout cas, la prochaine fois qu'on me dit ou qu'on vous dit « Monsieur, vous êtes journaliste, vous êtes un fouille-merde », on répondra « Merci du compliment ». On se retrouve dans quelques instants. Et avec plaisir. Hervé Brusilly. J'ai regardé la mer, j'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé. J'ai tout abîmé. J'ai regardé la terre, j'ai tant voyagé, j'ai repris tout à l'envers, mais j'ai tout abîmé. J'ai tout abîmé. Je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. Je n'ai pas saisi, maintenant c'est l'hiver. J'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé. J'ai tout abîmé. Je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. je n'ai pas saisi, maintenant c'est l'hiver. I'm gonna make it, I'm gonna stay alive. Hervé Brusini, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour écouter vos éclairages et votre enthousiasme. On l'a dit tout à l'heure, cette phrase « Allez porter la plume dans la plaie » est la phrase la plus célèbre d'Albert Londres. « Rejuger la chose, juger », c'est un exercice d'élocution difficile. Hein. Ah oui, mais en même temps, c'est lourd de conséquences. Alors voilà, parlons du fond de cette phrase-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit et qu'est-ce qu'on en a tiré comme enseignement ? On en a tiré comme enseignement une chose qui est très importante, qui est la déontologie. C'est quand même incroyable d'aller parler de ça à propos de rejuger la chose jugée, mais quand on s'arroge ce droit, on a des devoirs. Or, à l'époque où Albert commence à faire bouger les lignes, il y a énormément de crises pour corruption à l'intérieur du monde journalistique. Beaucoup de grands journaux ont été achetés par l'argent russe. Encore une résonance. La défiance, exactement. La défiance est très puissante. Et donc, nous ne sommes pas loin de la naissance de la première déclaration des droits et devoirs des journalistes. Nous sommes en 1918, à ce moment-là. Mmh. Et donc, Albert dit ça, mais dans cette philosophie d'aller y voir justement pour accumuler les éléments, des éléments à charge. Ça n'est pas un juge d'instruction pour moi, au sens propre du terme, mais c'est plutôt l'avocat d'une cause. Mmh. Et c'est là qu'il peut faire, par exemple, des fausses routes. Il va voir Gabriele D'Annunzio, par exemple, qui est un personnage aussi fantasque que lui. Lui aussi est un grand poète, sauf qu'il peut avoir des dérives autoritaires et commencer à flirter avec le fascisme, de ne pas être très loin du Duce à l'époque. Et Albert Londres va être passionné par D'Annunzio. Il va être fasciné avec la fameuse expédition de Fiume, c'est-à-dire en Croatie, où à un certain moment, un poète soldat s'est dit « Je vais reconquérir une ville, même si les accords de la SDN ont fait que ça n'appartenait plus à l'Italie. » Bon, passons sur cette affaire. Eh bien, rejuger la chose jugée, c'est même la rejuger au tribunal de l'histoire. Parce que il va essayer d'aller à la rencontre des puissants, ceux qui viennent de faire la révolution russe, qu'il ne va pas rencontrer, là, s'il ne verra ni Lénine ni Trotsky. Mais il va voir les tâches d'à côté. Il sera effectivement dans les lieux du pouvoir soviétique naissant. Il va voir ce qui se passe du côté de là où le monde est en train de... Les plaques tectoniques se brisent. Oui. Albert est là. Et donc, ce qui est formidable, c'est effectivement ce regard et la capacité de porter à l'attention des gens. C'est ça notre vocation. C'est contraire Fabrice à Waterloo, quoi, en gros. Ah, tout le contraire. Voilà. Nous sommes bien d'accord. Mais s'appeler Albert quand on est journaliste que Fabrice. Enfin bon, c'est ce qu'on peut. Alors, moi, je trouve ça super. Del Dongo, c'est bah, magnifique. Oui. Bah, et oui. Vous savez d'ailleurs que notre ami Albert était d'origine espagnole. C'était une vieille famille Landres qui s'est francisée peu à peu. Papa colporteur, maman qui faisait un peu d'artisanat, le souci du travail bien fait, beaucoup de ténacité. Albert, il y a du génétique là-dedans aussi, cette sorte de personne assoiffée en permanence, d'aller bouger, aller chercher, et en même temps ciseler. Il respecte les gens auxquels il parle. Il ne fait pas ça par-dessus la jambe. Mmh. Cette exigence de Londres, je trouve aussi que c'est une bonne leçon qui nous est administrée à nous et que parfois nous oublions. Alors, il nous a administré aussi une leçon quand il parle des bagnes. Il dit notamment, il dit c'est la loi, mais la loi s'est trompée. Alors, est-ce que là, c'est quelque part, il a jeté les bases d'une autre fonction du journaliste, qui est celui de l'éditorialiste, qui propose au public des clés pour comprendre. Oui, où on pourrait parler de la fonction du lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, finalement global que peut être le journaliste. En plus, cette loi était plus inique que ça. Tu ne meurs pas d'ailleurs, t'es déjà mort en permanence. Quelles étaient les choses que pouvait dénoncer Albert ? C'est le fait que, à la moindre incartade, on double la peine. Alors déjà, quand on vous envoie là-bas, au bagne, vous êtes condamné à mort. Mais vous serez condamné à mort de manière, je dirais, intensive, avec cette sorte d'acharnement d'une époque qui ne connaît que le mépris de l'homme. Et ce qui est beau dans le mouvement d'Albert, c'est de rétablir cette humanité. Et ça, ça résonne beaucoup avec François Copé, le poète qu'il admire. Les forçats de la route, forçats, le bagne, tout ça parle toujours de cette élévation de la condition humaine. Mmh. C'est un poète journaliste qui est obsédé par la condition humaine, broyé par l'histoire ou en révolte face à l'histoire. C'est en sens que cet homme et tous les journalistes de l'époque, il y a même Gaston Leroux qui va faire un certain nombre de grands reportages aussi, qu'il côtoie, Pierre Macorlan, Joseph Kessel, qui à l'époque est tout jeune et travaille et que connaît Albert Londres. On est dans ce quel mouvement, panthéon, dites donc. C'est magnifique, de foisonnement journalistique, de foisonnement de lanceurs d'alerte qui sont là et qui, avec leurs mots, leurs forces, crient et envoie au monde les messages dont s'empare ou pas l'Assemblée nationale, les institutions. Après, c'est l'histoire de la politique française. Dernière chose, Hervé Brusigny, sa mort, les conditions de sa mort, accident ou attentat ? Parce qu'on a parlé de ça, bah oui, voilà un homme qui jeûne, alors peut-être que ça donne quelques Oui, c'est vrai, moi je dirais éléments. Que, de manière un peu légère, un grand journaliste comme celui-là ne peut pas avoir une mort normale. Et donc, finalement, c'est assez beau qu'elle puisse nourrir des romans. Vous savez que même à France 2, il y a Jean-Paul Olivier qui est un des commentateurs du Tour de France. Voilà, et dont son grand-père, je crois, était dans le même bateau que celui où Albert Londres a trouvé la mort. C'est vrai que les conditions sont étranges. Pourquoi il n'a pas sauté par le hublot où on a, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? La grande enquête sur laquelle il travaillait, quelle était-elle ? Était-il un agent des renseignements ? Parce que ça aussi, ça s'est beaucoup dit. Oui. Et c'est vrai qu'il a côtoyé les services de renseignement. On voit là l'homme dans sa complexité et c'est plutôt bien que par rapport à l'humanité qu'il incarne, il soit complexe. Merci Hervé Brusigny et on salue Albert. Tous les absolument. Deux. Hein? Ok. Salut Albert. Au revoir Hervé. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Albert Londres, l'envers du bagne. Une émission écrite par Manuel Calmat, réalisée par Benjamin Habitant, proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff.